ton regard se trouble et puis me fuit. Je sais que tu penses à elle, même si elle brûle ta vie.